Le temps passe plus vite que l'éclair. Les jours s'enfuient sans se retourner. La terre a sombré, elle pleure en silence. La nature crie noyée dans l'indifférence. On jurait de vivre libre ou mourir. La tête haute, prêt à bâtir. Mais aujourd'hui, sans même frémir, on vend nos promesses pour survivre. Des rêves échangés contre des billets. La vérité fait mal, mais elle est vraie. Même blessée, faut continuer, car le rêve n'est pas annulé. Ni le bourre et la douleur restent. Ruben José. On vend l'espoir, on garde la peine. Souffre pendant qu'il règne. Mille gourdes. Ça passe, ça blesse. Ruben José. La misère coule dans nos veines. Mille gourdes. Mais qui confesse. Ruben José. Qu'on a brisé nos propres chaînes. Nous sommes le peuple noir le plus puissant. Racines profondes, esprit brûlant. Mais guidés par des enfants ingrats. Faibles de cœur, forts en faux débat. Des héros morts, des traîtres vivants. Toujours les mêmes discours devant. Ils parlent futur, vivent l'instant. Pendant que le peuple serre les dents. On n'est pas pauvre, on est pillé. Pas faible, juste manipulé. L'histoire nous regarde fatigués. Mais la résistance va se lever.